Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le Lotus Bleu. Premier épisode. On se souvient de la lutte sans merci que le jeune reporter Tintin avait engagée contre une puissante bande internationale de trafiquants de stupéfiants. Nos auditeurs n'ont certes pas oublié que le jeune Globetrotter avait réussi, après de multiples aventures, à faire mettre sous les verrous les principaux affiliés de la bande, à l'exception de leur chef qui, à la suite d'une chute dans un précipice, avait trouvé la mort. Rappelons à cet effet que ce mystérieux personnage n'a jamais pu être identifié et que son corps, d'ailleurs, n'a jamais été retrouvé. Nous apprenons aujourd'hui que le sympathique reporter et son inséparable Milou sont toujours les hôtes du Maharaja de Rawashputala, chez qui ils goûtent un repos bien mérité. Je n'arrive pas à retrouver cette fréquence que je cherche à identifier depuis plusieurs jours. Depuis que Tintin a pris l'habitude de capter des messages sur ondes courtes, il n'y a plus moyen de dormir tranquillement. Ah ! Ça y est. Entre, voix. Yokohama. NS, maison, R. Charles. André. Dimanche. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Seul. Aligné. Écran. Tenture. Serpent. Marchera inévitablement, eux, proche, occident, halt, intrus, eux. Ce message doit pourtant avoir un sens, mais lequel ? Sahib Tintin, le Maharaja aimerait vous voir. C'est bien, j'arrive. Mon cher Tintin, je vous présente le célèbre fakir Sipasalu Vishni, qui va nous montrer ses tours les plus extraordinaires. Ah oui, je suis curieux de le voir à l'œuvre. Moi, les fakirs, j'aime pas beaucoup ça. Regardez, il va commencer par sauter sur le verre pilé. Étonnant. Maintenant, il va s'enfoncer des couteaux à travers le corps. Ah, ça c'est un tour très rare. Le fakir va tenir en équilibre sur un clou en s'appuyant seulement sur son nez. Oh. Regardez, il peut même tourner sur lui-même dans cette position. Il est extraordinaire. N'est-ce pas ? Et maintenant, si les seigneurs me le permettent, je vais leur prédire l'avenir. Très bien, fait. Commencez, Tintin, je vous en prie. D'accord. Donnez-moi votre main. Voyons. Ah, je vois que vous avez le goût de l'aventure. Vous avez déjà traversé beaucoup de situations périlleuses, mais vous êtes très courageux. Et... Oh. Oh. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois un homme redoutable pour vous. Vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. Soyez sur vos gardes. Je vois aussi un fakir, la honte de notre corporation, acharné à votre perte. Il est près de vous, très près de vous. Il vous épie. Il possède une arme terrible contre laquelle on ne peut rien. Quelle arme ? Attendez, je vois encore un homme à peau jaune. Ses cheveux sont noirs. Il porte des lunettes. Prenez garde. Il a juré votre perte. Saïd Tata, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a dans la galerie un étranger qui veut vous parler. Il dit qu'il vient spécialement de Shanghai pour vous voir. De Shanghai? Monsieur Tantan? Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? J'ai des choses extrêmement importantes à vous dire. Pouvons-nous parler ici? Certainement, nous sommes seuls. Aouh! Tonnerre, une fléchette! C'est sûrement la fléchette au Rajaija, le poison qui rend fou. Elle a été tirée depuis le jardin. Personne. Il aura filé sans demander son reste. Vite, qu'avez-vous à me dire? Je ne sais plus. Si. Mitsu Hirato. On a besoin de vous. Shanghai. Retenez bien sinon. Mitsu Hirato. Mitsu Hirato. Mais qui est-ce? Oh, non! Si! Ça y est, il est fou. Tintin! Le fakir que vous avez fait arrêter, celui de la bande des trafiquants d'opium qui utilisait les cigares du pharaon, il s'est évadé de prison ce matin. On vient de m'en avertir. J'en étais sûr. Regardez, le Rajaija a encore frappé. Par Brahma, le malheureux. Il faut que je parte immédiatement pour la Chine. Ce pauvre homme a juste eu le temps de me faire comprendre qu'on m'attendait à Shanghai. Très bien. Si vous pensez que c'est ce que vous devez faire, mais n'oubliez pas la prédiction. Je vois un homme redoutable pour vous. Vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. Ne vous inquiétez pas pour moi, Maharaja. Je serai prudent. Quelque temps après. Voilà arrivé à Shanghai. Nous avons mis le coup. Tu crois encore? C'est lui? Oui. Il est exactement comme sur la photo. Alors, allons-y. Votre temple, monsieur. Merci. Vous pouvez laisser ma valise dans l'entrée. Comment vais-je faire pour trouver ce Mitsu Hirato maintenant? C'est un nom japonais, bien sûr. Entrez. Une lettre vient d'arriver pour vous, monsieur. Pour moi, vous êtes sûr? Ça, par exemple. Comment sait-on déjà que je suis ici? Cher monsieur Tintin, j'apprends avec joie que vous venez d'arriver à Shanghai. Je ne puis vous exprimer mon bonheur à l'idée de pouvoir contempler votre glorieux et vertueux visage. Auriez-vous la bonté de me permettre de gravir votre escalier aujourd'hui à 3h? Mon serviteur attend avec respect votre réponse. Votre dévoué, monsieur Mitsu Hirato. Ça alors? Voulez-vous dire au messager que son maître est trop aimable de vouloir se déranger? Je lui rendrai visite moi-même. Bien, monsieur. Je me demande bien comment il a pu savoir que je me trouvais ici, ce monsieur Mitsu Hirato. Un homme d'une politesse raffinée, en tout cas. Les Japonais, ce sont des bandits, Tintin. L'entête de la lettre indique la rue de la Tranquillité. C'est plutôt de bon augure. Un petit tour de pouce-pouce, ça te tente, Milou? Tu vois tous ces signes autour de nous, Milou? On appelle ça des idéogrammes. Je comprends rien. Imbécile! Comprends-tu où j'ai me bousculé? Moi, un blanc, tiens, sale chic! Prends ça! Espèce de brute, donnez-moi ça! Les cannes ne sont pas faites pour battre les hommes! Tenez, voilà ce que j'en fais, moi, de votre canne! Comment osez-vous? Espèce de blanc-bec! Qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger un de ces vilains bougres? Votre conduite est indigne d'un gentleman, monsieur. Eh ben ça, alors ça ne se passera pas comme ça. Vous aurez de mes nouvelles. Freluqué. Vous pouvez y compter. Ça va, mon ami, rien cassé. Ah, oh, monsieur, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Oh. Tiens, voilà l'ami Gibbons. Ah, mais je dis cela. Oui, monsieur. Eh bon, tu en fais une tête. Une tête? Ah, il y a de quoi. Figurez-vous qu'un jeune blanc d'être un Européen s'est permis d'intervenir pour défendre un tireur de pousse-pousse qui m'avait bousculé, que je m'apprêtais à corriger. M'empêcher de battre un chink? Non mais, de quoi je me mêle? En effet, quelle insolence. Enfin, voilons-nous, si nous ne pouvons même plus inculquer à ces sales jaunes quelques notions de savoir-vivre. Hein? C'est à vous de dégoûter de vouloir civiliser un peu ces barbares. Nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux? Nous qui leur apportons pourtant tous les bienfaits de notre belle civilisation occidentale, de cette admirable civilisation. Ah. Oh, mais c'est pas vrai! Mais tu l'as fait exprès, hein? Ça excite! Je vais t'apprendre à manquer de respect à un homme de race blanche! Bon, bah où en étais-je? Ah oui, cette admirable civilisation occidentale! Écoute, mon vieux. Je vais essayer de connaître le nom du jeune hurluberlu qui s'est permis de te faire leçon. Comme je suis le chef de la police de la concession internationale, cela ne devrait pas m'être très difficile. Et je donnerai à mon tour à ce petit Don Quichotte une leçon dont il se souviendra. Tu peux me faire confiance. Pendant ce temps... Rue de la Tranquillité. Nous y sommes, Milou. Monsieur Tintin est arrivé, monsieur. Faites-le entrer. Monsieur Tintin, quelle joie de vous rencontrer enfin. J'ai tellement entendu parler de vous. Je suis très honoré que vous soyez venu jusqu'à moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Mon cher monsieur, vous devez retourner immédiatement aux Indes. Le Maharaja de Rawalpindi est en grand danger. Je vous avais envoyé là-bas un messager chinois pour vous dire de veiller sur lui. Ne l'avez-vous pas vu? Si, mais il a été atteint d'une fléchette empoisonnée et n'a pu prononcer que deux mots, votre nom et Shanghai. Puis il a perdu la raison. Ah, laissez-le. Il ne recule devant aucun crime. Croyez-moi. Vous avez eu tort de quitter le Maharaja. Qui sait ce qu'il prépare pendant votre absence? Qui ça, il? Excusez-moi, je ne puis vous en dire davantage. Ma propre vie serait en danger. Mais de grâce, écoutez-moi et retournez aux Indes au plus vite. Bon, je vous remercie. Peut-être que je pourrai repartir par le prochain paquebot. En attendant, je vais envoyer un télégramme au Maharaja afin qu'il se tienne sur ses gardes. Excellente idée. Oh, j'oubliais. Méfiez-vous de tout le monde ici, surtout des Chinois. Votre vie ne tient qu'à un fil. Mais comment savez-vous tout cela? Ah, un vrai Japonais sait toujours tout, monsieur. Quelle histoire étrange. Dire que nous venons juste d'arriver, voilà qu'il faut déjà repartir. Mais où sommes-nous? Il ne fait pas guet par ici. Allons bon, je crois que je me suis perdu. Attention, Tintin. Un homme. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Revenez! Mais enfin, que s'est-il passé? Tintin, les traces de balles sur le mur. Cet homme s'est jeté sur moi au moment précis où la voiture passait. Mais alors, si je comprends bien, il m'a sauvé la vie. Et le soir venu, de retour à l'hôtel... Oui. Voici votre thème, monsieur. Ah, merci. Voilà qui va nous remettre de nos émotions. On aura un peu pour moi aussi, dis. Ouh, il a l'air brûlant. Encore. Vite, mon pistolet. Si tu ne m'échapperas pas. Trop tard. Il a disparu. Sapristi, une patrouille. Hey, boy, what are you doing here? Messieurs, on vient de me tirer dessus. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Puisque je vous dis. Et nous, on dit à vous de garder votre tranquille. En fait, Tintin, dans quoi es-tu encore allé te fourrer? Vivement que l'on quitte ce pays. Hein. Puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais le boire, ce thé. Le lendemain... Allô, Gibbons? Oui. Tu sais, ton petit Don Quichotte, là? Oui. Ouais. Eh ben, je le tiens. Hein? Il a été ramassé cette nuit par une patrouille. Ah, magnifique. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Hey, que vas-tu en faire? Eh bien, pour tout te dire, je suis obligé de le relâcher. Comment? Ne t'inquiète pas. Je l'ai repéré, maintenant. Et je te promets que ce n'est que partie remise. Évidemment, ils ont fini par reconnaître que j'étais innocent. N'empêche que mon agresseur, lui, court toujours. Bonjour. La clé de la chambre 16, s'il vous plaît. Voici, monsieur. Ah, un télégramme est arrivé pour vous hier soir. Venez urgence, secours, stop. Mon fils et moi-même sommes en grand danger, stop. Signé le Maharaja. Et ce matin, il y avait ce paquet accompagné d'une lettre. Pour moi aussi. Bien, merci. Monsieur Tintin, venez ce soir à 10h dans la rue que l'on nomme Taipinlu. Il y aura une lanterne à l'entrée. Mettez les vêtements qui se trouvent dans ce paquet, vous passerez plus facilement inaperçu. Décidément, tout cela est bien mystérieux. Mon Dieu, Milou! Mais que t'est-il arrivé? Mon pauvre Milou! Le thé. Il a dû boire le thé qui s'est répandu sur le sol. Mais alors, ça veut dire qu'en tirant dans ma tasse, on a voulu me protéger. Ce coup de feu a été providentiel une fois de plus. Oh, ne t'en fais pas, Milou. Ça va aller. Je me demande de quoi j'ai l'air dans cette tenue. En tout cas, personne ne semble faire attention à moi. Taipinlu. Taipinlu. Mais comment vais-je trouver cette rue où les panneaux sont en chinois? Tiens, et si j'allais demander à l'agent qui fait la circulation là-bas? Taipinlu. Ah, 您找太平路是吗？看到这条路吗？往前转。 一个银行，再往左转，一个邮局在对面就是了。谢谢。啊，没事，没事啊。 Heureusement qu'il a indiqué la direction de ta main. Une lanterne. C'est ici. Diable, l'endroit n'est guère rassurant. Bizarre, on ne répond pas. Tant pis, j'entre. Personne. Ah ! Bonsoir, monsieur. Est-ce vous qui m'avez donné rendez-vous ici ? Pardon, monsieur, est-ce bien vous qui... Bon, dites-moi, monsieur, êtes-vous sourd ? Ou bien vous moquez-vous de moi? Bon, parfait. Si vous n'avez rien à me dire, je m'en vais. Non, mais allez-vous me dire enfin pourquoi vous m'avez fait venir ici? Quel étrange regard. C'est drôle, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Bon. Rien à faire. Décidément, il vaut mieux que je m'en aille. Attendez. Ne partez pas. Je vais vous dire quelque chose. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Lao Tzu a dit, il faut trouver la voie. Ah oui? Moi, je l'ai trouvée. Donc, il faut que vous la trouviez aussi. D'abord, je vais vous couper la tête. Quoi? Ensuite, vous connaîtrez la vérité. Mon Dieu, un fou. N'ayez pas peur, voyons. Il s'agit simplement de vous couper la tête. Oh, oh. Cela ne durera qu'un instant, vous verrez. Le tabouret, il faut que j'arrive à attraper le tabouret. Vous n'aurez aucun mal. Ah. Oh. Le voilà évanoui. Profitons-en pour jeter un œil derrière sa nuque. Une piqûre. Je m'en doutais. Encore la fléchette empoisonnée au Rajaija. Que vais-je faire de ce malheureux maintenant? Excusez-moi, policeman, j'ai trouvé un fou. Pouvez-vous vous charger de lui? Voilà qui est fait, cet agent va s'en occuper. En attendant, me voilà gros gens comme devant. Et demain, je m'en vais. Le lendemain matin. C'est notre bateau, Milo. Allons sur la passerelle. Monsieur Mitsuhirato. J'ai appris votre départ. Aussi, je suis venu vous dire adieu et vous souhaiter calme et sérénité au long de votre route. Je vous remercie. Adieu, monsieur Mitsuhirato. Adieu. Eh bien, il faut avouer que je n'ai pas appris grand-chose en venant à Shanghai. Dommage. J'aurais bien aimé connaître davantage la Chine. Qui sait quand j'y reviendrai à présent? Mais moi, je suis bien content de partir de ce pays où l'on empoisonne les chiens. Tu vois le jeune homme accoudé au bastingage? Avec les petits chiens. Oui. C'est lui. Entendu. C'était Le Lotus Bleu d'Hergé, une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillou. Musique originale Olivier Davieux, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Eric Genovese, le Maharaja de Rajputala, Bruno Raffaelli, Gibbons, Christian Blanc, Mitsuhirato, Clément Hervieux-Léger, Didi, Nazim Boudjena, le Fakir, Jérémy Lopez, Milou, Louis Arène, le speaker des actualités, Noam Morgenstern, Tintin, Didier Sandre, le narrateur, et les voix de Mariana Granchi, Théo Combilemaître, Hugues Duchesne, Laurent Robert et Ewen Crovella. Coach en prononciation, Yilin Yang. Bruitage, Sophie Bissens et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Alison Ascrisi et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.